Osmose. Osmose Radio. Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, ça fait plaisir de vous retrouver en ce mardi soir, ce mardi 6 octobre pour une nouvelle émission de l'heure du loup mes chers amis. Avec cette playlist ce soir, une autre playlist rock et new wave comme à l'accoutumée pour une troisième saison sur Osmose Radio. Moi-même c'est Stéphane, je suis vraiment heureux de vous retrouver malgré les petites couilles techniques qui vont ponctuer cette émission parce qu'on inaugure un nouveau logiciel à Osmose et donc ça ne va pas sans quelques petits problèmes avec nos amis de la technique, à savoir Abel. Et donc pour commencer cette émission ce soir, je vais annoncer un petit peu sur internet que ce soir ce serait une thématique Japon par rapport à un événement sympa qui aura lieu ce week-end. Je vous en dirai plus évidemment en cours d'émission. Et pour commencer, c'était un morceau qui vous aura peut-être chatouillé les oreilles si vous êtes un familier de la filmographie d'Hayao Miyazaki, puisque c'était la bande originale composée par Joe Hisaishi de son film Kiki la petite sorcière, un film d'animation trop mignon, etc. Et c'était la chanteuse Yumi Arai avec le titre Ryojuu no Denkon. Et on va continuer tout de suite avec, on va aller vraiment dans le vif du sujet avec quelque chose d'un petit peu plus rock, parce que c'est quand même l'objet de l'heure du loup, avec un musicien japonais qui s'appelle Miyavi. Are you ready to rock? Yes. Yeah! Un garçon énervé, oh là là là là là là. Mais bon, quand il touche la guitare, par contre, il joue comme un dieu. À l'instant, c'était Miyavi avec le titre Are You Ready to Rock. C'était un titre en anglais, il chantait en japonais et ça lui fait même pas peur, il trouve même pas ça incohérent, nous non plus, on s'en fout, c'est vraiment du très bon. Miyavi, c'était à l'instant un musicien qui est en fait un métis, c'est un métis japonais-coréen, et il fait un gros succès au Japon et à l'international aussi d'ailleurs, un petit peu comme Anna Tsuchiya, qui elle aussi est une métisse américaine-japonaise. Le Japon est un pays très très conservateur et le succès d'artistes comme ça prouve que les mentalités bougent peut-être un petit peu, bon, pas très vite, à la vitesse de l'escargot, dirais-je. Mais en tout cas, ça évolue, peu ou prou. Soyez les bienvenus, mes petits loups, ce soir. Enfin, plutôt, devrais-je dire, bonsoir, mes petits loups. Non, ce soir, c'est Konbanwa Watashi no Chisama Okami, puisque vous êtes dans une émission thématique consacrée au Japon. Si vous êtes des nouveaux auditeurs de l'heure du loup, ben, soyez les bienvenus. Hein. Je vous rappelle tout simplement, en quelques mots, que moi-même, Stéphane, je vous accueille tous les mardis soirs à partir de 19h pour une playlist rock et new wave, mais je fais aussi quelques incartades au niveau du métal, quelques incursions dans le domaine de l'électro, voire quelques rêveries au niveau de la musique folk, et tout ça donc pour une heure de musique ensemble le mardi soir. Et si vous êtes des auditeurs réguliers, ben sachez que ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une troisième saison sur Osmose Radio, qui a la gentillesse de m'accueillir, et grâce à Abel qui et à la patience de me supporter à la régie technique. Je vous disais donc que ce soir une émission consacrée au Japon, ça fait vraiment envie, longtemps que j'avais envie de vous faire ça. Quand est-ce que j'allais le faire, je savais pas trop. Finalement, j'ai choisi l'automne parce que au Japon en ce moment, justement, il y a de très très belles couleurs d'automne avec les érables qui colorent leur feuillage de rouge, tout ça. Et là-bas, ils ont un mot pour désigner la mélancolie de l'automne, notamment c'est le moro no aware. C'est un genre de mélancolie, c'est intraduisible, c'est un peu comme la saudade des Portugais. Et voilà, donc je trouve ça assez mignon, assez gentil, comme le tapis sonore au koto, qui est un instrument traditionnel que vous pouvez entendre en arrière-plan, le laisse suggérer, mais ce soir, ce n'est point de mélancolie qu'il sera question, puisque même si je vais essayer de pas me vautrer dans les clichés, manga, animé, jeux vidéo, tout ça, je sais que je vais pas pouvoir y échapper, d'autant plus que j'avais envie aussi de faire une pierre de deux coups en vous parlant d'un événement qui aura lieu ce week-end à Nîmes, qui sera donc un événement autour de la culture japonaise contemporaine, s'entend, et donc j'aurai l'occasion d'en reparler au mi-temps de l'émission. Pour le moment, comme l'heure du loup est une émission rock, on va continuer avec du rock, et même du rock assez foufou, assez barré, avec le Nana Oshi Orchestra, et tout de suite le morceau Eirumeri ni Kenpai. à ce qu'on peut, l'impression qu'on peut avoir en voyant le nom. C'est pas Nana Mouskouri Orchestra, c'est pas un groupe grec, c'est un groupe japonais, le Nana Ochi Orchestra, avec une chanteuse, la petite chanteuse qui minaudait derrière, là, c'était Hatsune Miku, et le titre c'était Eiru Meri ni Kenpai, ce qui signifie en quelque d'autres termes, bravo Eiru Meri. On sait pas qui c'est, on s'en fout, c'est vraiment très très bon. C'était un extrait de l'album Monster Beer Garden qui était sorti il y a 2 ans. J'ai découvert ça il y a quelques temps et ça m'a vraiment mis une claque. Et à l'instar d'autres groupes japonais, il m'a intrigué ce projet musical. Un projet d'un garçon qui s'appelle Iwami Takoshi et donc qui a fondé ce projet musical là, qu'il mène plus ou moins tout seul, donc avec des participations bien entendu. Ce Nana Ochi Orchestra, c'est un projet musical qui est assez inclassable en fait. Il y a des morceaux un petit peu funk sur cet album, il y en a d'autres c'est limite metal, c'est rock, c'est assez dansant. Ce morceau là en particulier, je trouve qu'il swing, même si le terme est un petit peu abusif, et c'est quelque chose qui va un peu dans le sens d'autres groupes qui m'ont fait la même impression, des groupes japonais comme Maximum The Hormone par exemple, qui lui aussi est assez phénoménal dans le genre. Il y a deux constantes dans la musique japonaise que je ne m'explique pas, mais qu'on ressent régulièrement. C'est le côté l'excellence technique des musiciens qui sont vraiment très très bons au niveau pur technique, c'est des dieux. Miyavi qu'on a écouté au début de l'émission est un très bon exemple. Et un autre côté, c'est le côté un petit peu barré, parce que quand on pense au Japon, on pense à la culture zen, tout ça, retenue et machin, tout ça. Et en fait, quand ils jouent de la musique, il y a une fantaisie souvent, même qui paraît un petit peu parfois puéril ou futile, et en même temps qui peut être très très bon. Bah, par exemple, un style qui cartonne au Japon, c'est le power metal. Bon, il y a pas mal de groupes de power metal au Japon qui sont aussi chiants qu'ailleurs, mais en attendant, au niveau technique et au niveau barré, c'est quand même assez significatif. Voilà. Et donc voilà, pour vous donner un petit aperçu de la scène rock japonaise, j'aurai l'occasion d'y revenir évidemment en parlant de Reggie Rock et de Visual Kei tout à l'heure. Mais un autre sujet sur lequel on peut pas faire l'impasse, bien entendu, quand on parle de musique japonaise contemporaine, c'est la musique de jeux vidéo. Et là pour moi, je vous cache pas que ça a été un dilemme, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je passe? Akira Yamaoka, qui a composé la magnifique bande originale du jeu vidéo célèbre Silent Hill chez Konami, est-ce que je passe Nobuo Uematsu qui est un dieu pour mon technicien Abel qui adore ce musicien là et qui a composé notamment la bande originale de Final Fantasy, qui est un jeu vidéo qui cartonne depuis plus de 20 ans? Je savais pas trop, finalement j'ai pris un parti pris un peu plus original, et je me suis dit que j'allais vous passer un projet musical que j'aime bien, qui s'appelle Player Piano. C'est une fille qui s'appelle Sonia Belousova, une russe en fait, qui interprète ça, c'est-à-dire qu'elle reprend des thèmes musicaux de films ou de jeux vidéo au piano. J'adore cette musicienne, ça fait jamais que la troisième fois que je vous en passe. Et donc je vous ai amené la musique de Koji Kondo, une musique d'ailleurs que je n'ai pas besoin de vous présenter puisque vous allez la reconnaître tout de suite. Thank you. Oui, il a le papier. Tiens, regarde, tu vois, tous les animaux ici ont une signification. Ouais, j'ai entendu il y a ça. Le rat pour l'intelligence. Ouais, j'ai déjà. Le coq qui est le. Ouais, le coq, c'est quoi déjà? La c'est compétition, le... je crois. T'es sûr? Et le lézard, qu'est-ce que ça veut ça, dire? Ça, c'est. Hein je sais pas, le combat peut-être? Non, bah, pas oui, le combat. Les arts martiaux. Non, je crois que tu t'y connais pas plus que moi, mon vieux. Bon, il paraît qu'ici, les chats sont homosexuels. Non, toi, tu parles des geishas. Ouais. Tu t'y connais pas tellement, toi non plus. Ça va quoi? Et dis, qu'est-ce qu'il y a dans ton petit sac? Oh, c'est au cas où j'aimerais pas la bouffe, c'est du fromage la vache qui rit. Voyons, ils ont l'équivalent ici. Tu crois? C'est le fromage harakiri. Il est comment, le nippon qu'on va rencontrer? Bah, il est comme les autres nippons. Lui, sa priorité en affaires, c'est la santé. Ah, c'est un nippon chondriaque? D'ailleurs, il est très fier parce que son frère est lutteur sumo. Ah bon, un nippon potame? Attendez d'abord. Ah, je crois qu'il dit qu'on y est. Bonjour, si vous voulez me suivre. Bien sûr, on y va. Ouais. Tout le monde est ici. Bonjour. Bonjour. Il dit que la lumière du soleil vous guide hors du tunnel et que le parfum du cerisier vous apporte grande inspiration. Ouais. Proverbe japonais. Eh ben, dites-lui qu'il prenne une grande inspiration parce que je lui mets mon cerisier dans le tunnel. Hein? Proverbe français. Pardonnez-moi, chers amis, pardonnez-moi ces mauvais jeux de mots foireux, mais il fallait bien que je les fasse, et plutôt que de les faire moi-même, j'ai laissé François Pérusse, avec les 2 minutes du peuple, les faire à ma place, en l'occurrence, dans ce petit extrait, où donc l'action se passe au Japon, et donc sushi, tout ça, évidemment, il y a des tas de, entre le français et le japonais, il y a des tas de calembours à faire, et ils ne s'en privent pas, moi non plus d'ailleurs. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, les amis, vous êtes bien dans l'heure du loup, l'émission Rock and New Wave, avec une playlist ce soir consacrée au Japon. Et avec ce morceau qu'on vient d'écouter, que vous aurez forcément reconnu, même s'il était interprété au piano et pas avec des sons électroniques comme vous en avez eu l'habitude, c'était évidemment la bande originale du jeu vidéo Super Mario Bros, c'est un petit medley en fait, fait par Sonia Belousova, qui interprète tout ça au piano classique. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de rock et des styles apparentés et des styles proprement même japonais. On parle souvent de J-pop et de J-rock et de visual kei. Alors, faut savoir que dans les années 70, au Japon, la scène glam rock a eu énormément de succès. Il y a eu des groupes et des chanteurs là-bas qui ont vraiment apporté leur pierre à cet édifice musical là, si on peut dire. Et l'influence a perduré jusque dans les années 90 et 2000, où il y a pas mal de groupes qui se sont interprétés un peu ces thématiques musicales là, en y ajoutant un côté visuel très marqué. Et c'est peu ou prou ce qu'on a considéré comme étant du visual kei à partir des années 90. Alors soyons honnêtes, enfin soyons honnêtes pour ma part, je vais me faire conspuer, mais tant pis, je pense que quand même 90% de la scène J-rock et visual kei, c'est de la grosse daube, et il y a quand même 10% qui valent largement le coup. Mais c'est vrai que ce sont des styles quand même qui produisent beaucoup de boys band, etc. Il y a quand même des groupes emblématiques, je pense à Moi Dis-moi dans les années 2000 par exemple, qui ont pas mal influencé ce courant musical là, avec notamment le charismatique Mana Sama, ce garçon très manieré, très maquillé, avec un jeu de scène assez particulier, tout ça. Et donc moi, forcément, il fallait que je vous en parle ce soir, et j'avais envie de le faire sous un jour un petit peu particulier, en parlant de l'influence que ce style musical là a pu avoir chez nous en France, puisqu'on a des groupes qui, juste retour de choses, qui s'en inspirent aussi un petit peu. Alors il y a le groupe Gaijin par exemple, un groupe de Paris qui lui est un petit peu bourrin pour moi. Il y a le groupe Lire à Bordeaux, un groupe que j'aime beaucoup, dont je vous avais déjà parlé. Et moi ce soir, j'ai envie de vous parler de jeunes gens qui viennent de Strasbourg et qui s'inspirent largement de la scène rock japonaise. C'est Swansong for a Raven. En fait, c'est un Swansong for a Raven, c'est un titre de Cradle of Filth à l'origine, mais eux, en l'occurrence, le couple à la ville comme à la scène qui est au cœur de ce projet musical-là, s'inspire plutôt vraiment de la scène japonaise, et notamment donc de Moi Dis-moi, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un groupe que j'ai connu à la fin des années 2000. À l'époque, c'était un groupe de lycéens. Puis quand je me suis renseigné plus tout récemment, en fait, j'ai vu qu'ils continuaient toujours, donc déjà c'est une belle réussite, et qu'ils avaient notamment eu l'occasion d'aller se produire au Japon même. Donc voilà, ce sont des Français qui s'inspirent du rock japonais et qui vont l'interpréter au Japon. Je pense que on peut considérer que c'est une consécration, et ce soir je vous propose un extrait de leur dernier album qui est sorti au mois de juin, l'album Phoenix, avec tout de suite le titre Shooting Star. c'était une version live de TM Revolution qu'on écoutait à l'instant, et Abel a coupé parce que sinon on entend les filles qui font et c'est normal, hein, c'est des filles, c'est un concert de J-Rock avec ce groupe emblématique du style et le titre Web of Night qu'on vient d'écouter à l'instant. Alors pour l'anecdote, c'est un titre qui figurait sur l'édition japonaise de la bande originale du film Spider-Man 2 qui était donc sorti il y a quelques années, et voilà, donc c'était un titre qui était sorti là-bas. Il y avait une édition en japonais, une édition en français et en anglais pardon. Et à l'instant, donc je vous parlais d'un événement qui aurait lieu ce week-end du côté de Nîmes, la Japanonime, pour laquelle on reçoit une des organisatrices. Bonsoir Julie. Bonsoir. Alors vous êtes donc une des organisatrices de cet événement qui aura lieu ce week-end, les samedis et dimanches 10 et 11 octobre, au stade des Costières à Nîmes. Alors pour ceux qui, comme moi, se perdent assez facilement, même en restant en France et sans aller aussi loin que le Japon, le stade des Costières, comment on fait pour y aller ? C'est pas très compliqué. Déjà, on peut facilement le trouver sur Internet en tapant dans la recherche. Sinon, en partant de la gare, il y a des bus qui amènent les personnes jusque là-bas. Il suffit après, à la rigueur, de poser les questions. Sinon, toutes les informations sont marquées sur l'événement. L'événement, évidemment, l'événement Facebook que je relayerai, oui, évidemment, sur la page d'Osmose Radio. De toute manière, une fois que vous êtes à Nîmes, vous suivez les gens habillés en cosplay, et de toute manière, vous les suivez et vous tomberez sur l'endroit où est organisé donc ce week-end cet événement que vous co-organisez. Alors, au Stade des Costières, c'est pas la première édition de la Japanonime. Déjà, j'adore le jeu de mots. La Japanonime qui est organisée. En fait, vous avez fait une première édition il y a 2 ans, je crois. Oui, exactement. Ça s'était passé comment ? Mieux que ce qu'on aurait imaginé, en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on n'attendait pas autant de monde sur un petit événement, parce qu'on l'a fait dans un bar. Donc, avec les 2 étages et juste une salle pour 2 boîtes de nuit pour faire office de coin animation. Et on a eu à peu près 400 personnes sur le week-end, avec à peine 6 stands et quelques animations, alors que on pensait avoir vraiment moins. Eh ben tant mieux. Donc je vous souhaite que ça soit aussi un beau succès pour cette deuxième édition qui aura lieu ce week-end. Alors tout à l'heure je parlais de cosplay. Évidemment, on peut pas difficilement faire l'impasse sur le sujet par rapport à un événement tel que le vôtre. Qui aura-t-il animé, qui aura-t-il d'organisé autour de ce thème-là ? Donc le cosplay, qui, je le rappelle, consiste à s'habiller, si ce n'est se déguiser, comme les personnages de jeux vidéo ou des personnages de films fantastiques, notamment. Ça fait le bonheur de tous les geeks de la région, je pense. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, en fait, oui. Pas très très bien, en fait. Donc oui, parce que je précise qu'on vous appelle sur des téléphones portables, donc on a une bonne Exactement. Maison, mais vous avez peut-être du mal à me comprendre. Alors moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que évidemment il y aura des cosplayers qui vont venir à l'événement, c'est bien la moindre, oui, des choses. Mais qui aura-t-il ? Est-ce qu'il y aura des défilés, par exemple, ou des faux duels avec des armes factices, ce genre de choses qui seront organisées au sein de cet événement, la Japanonime, ce week-end ? Alors oui, exactement. Et il va y avoir un concours cosplay, déjà, qui se déroulera le samedi après-midi pendant 1 heure à 2 heures. Donc les inscriptions ont déjà commencé sur la page Facebook, sachant qu'elles seront encore ouvertes s'il y a encore des places le jour même de la convention, jusqu'à 12h-1h le samedi. Sinon, on a aussi un défilé de cosplay pour ceux qui ne pourraient pas participer au concours, ou qui ne le souhaitent pas d'ailleurs, mais qui veulent juste défiler avec leur cosplay. Il y a possibilité, hein, 2 défilés sont prévus, un le samedi et un le dimanche. Sinon, en autre défilé, nous en avons un autre, mais pas de cosplay. Il représentera 2 magasins, 2 stands qui seront à la convention. D'accord. Et rappelons tout de même que le cosplay consiste à se déguiser, entre guillemets, mais qu'il y a quand même des gens qui fabriquent leur propre costume quand ils veulent ressembler tantôt à Super Mario, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ou d'autres, et qui font des costumes absolument magnifiques. Un autre aspect de la culture japonaise, oui, c'est vrai, et un autre aspect de la culture japonaise, évidemment, que vous allez illustrer ce week-end, c'est la bande dessinée, qu'on appelle aussi manga, et je crois que vous aurez des stands de libraires à ce sujet. Oui, nous allons avoir 2 stands de libraires. Nous allons avoir le BDFIL, donc, à Nîmes, et la librairie Terre 2, qui se trouve aussi à Nîmes d'ailleurs, et qui nous amène un auteur de BD, John Lancry. Donc après, je ne sais pas si les auditeurs connaissent ou non. Il a écrit la BD zombies, la BD dont vous êtes le héros. D'accord, oui, sur le principe peut-être un peu des jeux dont vous êtes le héros qu'on pouvait lire dans les années 80-90, les livres dont vous êtes le héros. Oui. Enfin, moi je sais que j'ai joué à ça quand j'étais petit, mais pour vous qui êtes assez jeune, hein, puisque vous êtes encore étudiante, ça ne vous parle peut-être pas, c'est le mec qui se tape son délire, ouais je suis le vieux con, je sais tout, etc. Non, effectivement. Quoi qu'il en soit, c'est organisé sur 2 jours, et là on vient de parler du Japon contemporain, mais vous allez aussi faire un petit clin d'œil vers le Japon traditionnel, en parlant notamment des arts martiaux. Nous allons avoir donc une démonstration d'aïkido, enfin 4 démonstrations d'aïkido en fait, sur le week-end, 2 le samedi et 2 le dimanche, qui dureront à peu près une demi-heure, sachant qu'il y aura aussi une initiation pour ceux qui seraient intéressés, même plusieurs, et le stand de l'aïkido qui est là pour ceux qui seraient intéressés à s'inscrire au cours de l'année. Voilà. Et donc l'aïkido, rappelons, c'est un art martial japonais qui consiste en un corps à corps défensif. Donc il y a pas d'armes, mais c'est un petit peu plus complexe que le judo, mais c'est tout à fait accessible. Et sinon, il peut y avoir des armes des fois. Ah, autant pour moi. Je pensais que ça consistait à se défendre contre des armes, un peu comme le Krav Maga. Exactement. Mais ils se servent aussi des armes pour se défendre en fait. Il y aura des démonstrations là-dessus aussi d'ailleurs. Autant pour moi, vous m'apprenez un truc, vous voyez. Et par contre, 2 petites réserves qu'on peut faire sur votre événement, mais ce ne sont absolument pas méchants évidemment, parce que c'est encore disons que votre organisation est encore en expansion. Vous n'allez pas proprement parler de jeux vidéo, faire d'événements autour du jeu vidéo ce week-end. Par contre, il y aura quand même un aspect, ce sont les jeux vidéo de danse qu'on pourra pratiquer pendant la Japanonyme. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y aura donc un stand animation jeux vidéo où les personnes pourront danser pendant le week-end. Il y a aussi une soirée organisée le samedi. Est-ce qu'il y a un programme particulier pour cette soirée? Pardon? Est-ce qu'il y a un programme particulier pour la soirée du samedi soir notamment? Oui, pour le soir, il y a un karaoké géant qui est prévu. On expliquera exactement comment ça se passera le soir venu. Si vous chantez juste, c'est mieux, rappelons-le. si on chante juste, c'est mieux, rappelons-le, parce que c'est toujours un peu le dilemme dans les karaokés. Exactement, oui. il va y avoir aussi N'oubliez pas vos classiques, donc qui reprend N'oubliez pas les paroles, mais ce coup-ci avec les classiques Disney et autres animés. D'accord. Et ensuite, nous aurons un défilé d'ouverture. D'accord, un défilé d'ouverture en fin de soirée. Non, j'ai mal pris le programme dans l'ordre en fait. Non mais je vous taquine évidemment, donc il y aura des choses en journée et le samedi soir notamment, le dimanche enfin, et un autre truc, alors c'est les gens, je préfère prévenir les gens qui feraient le déplacement, pour des raisons sanitaires c'était un petit peu compliqué d'organiser des stands de gastronomie japonaise, j'ose croire que ce sera pour une 3e édition, mais bon, même s'il n'y aura pas de sushi à la Japanonyme ce week-end, j'ai envie de dire, pour faire un jeu de mots sur la gastronomie japonaise, il n'y aura pas de sushi, mais ramène-toi à Nîmes ce week-end, donc les 10 et 11 octobre pour la Japanonyme. Merci Julie de nous avoir parlé de cet événement donc que vous co-organisez. Avec plaisir. Et donc j'invite tous les amateurs de ce genre de choses à se rendre à Nîmes au Stade des Costières ce week-end 10 et 11 octobre. Donc je parlais tout à l'heure de gens qui font du cosplay, c'est notamment aussi le cas d'Exoshika du groupe Oral Vampire qu'on va écouter tout de suite. Et vous, je sais pas, mais moi je suis du signe des poissons, quand je mange des sushis j'ai toujours l'impression d'être un petit peu cannibale et du coup j'aime encore mieux ça, et justement c'est l'objet du titre qu'on va écouter tout de suite, Oral Vampire avec le titre Cannibal Coast. そんな育つに飲み込まないで時に聞かず vient chercher d'autres dans la voie du samouraï. Il en va de même pour tout ce qu'on appelle une voie. Celui qui comprend les choses de cette façon doit pouvoir concevoir toutes les voies et sera de plus en plus en accord avec la sienne. Mater Dolorosa avec le titre The Way of Samurai. C'est enchaîné juste avant avec Oral Vampire, un duo qui nous vient de Tokyo avec le titre Shonanzoku, hein, ce qui veut dire la côte des cannibales. Une petite référence au sushi hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Moi-même étant du signe des poissons, chaque fois que j'en mange, ça me fait rire parce que j'ai l'impression de manger mes co-religionnaires en astrologie. Vous êtes bien sur Osmose Radio, les amis. On vous parle de musique de barbares et d'astrologie un petit peu plus civilisée. Vous écoutez l'émission Rock et New Wave d'Osmose Radio, c'est l'heure du loup et vous êtes encore avec moi pendant un petit quart d'heure pour la playlist spéciale Japon que je vous ai concoctée. À l'instant, on venait d'entendre une interview de Julie qui organise donc l'événement Japanonyme du côté de la cité gardoise de Nîmes au stade des Costières ce week-end. Donc j'avais envie de vous d'y faire un clin d'œil, notamment avec cette playlist ce soir. Voilà, on va aller vers des choses un petit peu différentes puisque si Oral Vampire est un duo japonais, Mater Dolorosa, eux, ne sont pas japonais du tout, il me semble que ce sont des français. Et notamment, vous pouviez entendre en introduction de ce morceau, The Way of Samurai, la voix française de Forest Whitaker qui, dans le film Ghost Dog, un très très bon film de Jim Jarmusch, qui raconte un peu l'histoire d'un tueur à gages qui s'inspire du Bushido. Là, en l'occurrence, les mots qu'on pouvait entendre, les litanies qu'on pouvait entendre, c'était des préceptes de philosophie du Hakagure, qui est un livre de philosophie qui fait partie du code du Bushido, qui est le code d'honneur des samouraïs. Et donc un tueur à gages noir américain dans la banlieue de Chicago à la fin du XXe siècle qui s'inspire du Bushido médiéval, c'est quand même pas banal. C'est un film de Jim Jarmusch, c'est un film que je vous recommande pour l'anecdote. Voilà, on va aller vers deux choses un petit peu différentes et vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'au mois d'août on a commémoré, enfin si je peux dire, le 70e anniversaire de la bombe d'Hiroshima. Quelques années après Fukushima, c'est vrai que ça fait un petit peu, on est un petit peu en travers de la gorge. Et avec, comme disait Didier Super, avec le nucléaire, les Japonais, ils ont jamais eu de peau. Et le bombardier qui a balancé la bombe ce jour-là sur Hiroshima en 1945, qui s'appelait Enola Gay, et c'était justement l'objet du titre de Orchestral Manoeuvre in the Dark, un groupe britannique de synthwave de la fin des années 70, qui faisait donc un petit hommage à cette catastrophe-là qui était, avec la bombe qui avait notamment été balancée par un B-29 ce jour-là de 1945. Le bombardier était baptisé Enola Gay et c'est justement le morceau qu'on va écouter tout de suite. Jay Schmidt avec le titre Kie Yane Yie, ça signifie les mille et une nuits. Et c'est enchaîné juste avant avec Orchestral Manoeuvre in the Dark, OMD pour les intimes. C'était un groupe britannique qui, en 79, je crois, interprétait Enola Gay, hein, qui était le petit nom du bombardier qui a balancé la bombe Little Boy sur Hiroshima. Et Jay Schmidt, alors c'est un groupe, je peux pas vous en dire des masses, c'était une chanteuse, dans un style post-punk dans les années 80, une chanteuse qui avait pas mal, qui avait fait un beau succès là-bas, mais c'est impossible de trouver des infos en anglais ou en français, quoi. Donc je peux pas vous en dire des masses, mais c'est vraiment une chanteuse intéressante qui avait un répertoire à l'époque assez sympa. Et donc ce morceau que j'aime entre tous, les mille et une nuits qu'on vient d'écouter à l'instant. Bah justement, la nuit elle est tombée, la nuit approche et la fin de l'émission aussi. Et pour conclure sur cette playlist spéciale consacrée au Japon ce soir, j'avais envie de faire un petit clin d'œil puisque j'ai commencé l'émission tout à l'heure avec Yumi Arai, avec un extrait de la bande originale des films d'Hayao Miyazaki. Et bien j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu rétro dans le même ton pour conclure cette émission ce soir, mes petits loups. Je zappe l'agenda concert, vous le retrouverez évidemment sur Facebook, le Facebook de l'heure du loup, que vous pouvez consulter sans avoir de page Facebook vous-même. Vous prenez pas trop le chou avec ça. Et donc je vous disais, j'avais envie de conclure cette émission sur un petit truc rétro comme je l'ai introduit en début d'émission, et ce sera avec un extrait de la bande originale du film Kill Bill de Quentin Tarantino, qui avait incorporé quelques musiciens japonais dans les artistes qui ponctuaient la bande originale. Et ce soir, donc, on va se quitter avec le titre Urami Bucci de Meiko Kaji, tout de suite sur Osmos, pour conclure cette playlist spéciale ni bon ni mauvais. Il fallait que je la fasse à un moment ou un autre. Allez, chers amis, je vous dis bonne fin de soirée, je vous dis à la semaine prochaine, et on se quitte avec donc Meiko Kaji, Urami Bucci. きれいとおだてられ咲いてみせればすぐ散らされるバカなバカなバカな女の恨みいぶし定め悲しと諦めて泣きを見せればまた泣かされる女女女涙の恨みいぶし憎い悔しい許せない消すに消えない忘れられない月ぬ月ぬ月ぬ女の恨みいぶし夢よ未練と笑われて冷めて見せますまだ冷めきれぬ女女女の頃の恨みいぶし刺したかないが刺さずにゃおかぬ燃える燃える燃える女の恨みいぶし死んで花見が咲くじゃなし恨み一筋生きてゆく女恨 l'amie.